les jeunes et les vieux, c'est... c'est la fin de la vidéo. Voilà. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour Mich Mich Chardou, pour lui rendre un bel hommage, et à commenter la vidéo, bien évidemment. Oui, parce que Mich Chardou, c'est notre idole. Je transpire. Et à commenter, à partager, si vous voulez, à tous vos copains, aux jeunes et pas jeunes. Et copines. Et copines, comme dit Aya Nakamura à mes copines. Aya Nakamura. Allez, on se laisse là-dessus. C'était Tozo et Toto Gaming. Tozo et Toto. Bisous les lapins.